Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ce soir, Planet Rap Ice MC. Passez une bonne soirée, bienvenue pour ce dernier Planet Rap. Et ça y est, il est de retour après 40 heures. Je suis là, le Bico Loco est de retour. Ice MC. Yeah. Bon, j'ai envie de te demander comment ça va. Ça va très bien, alhamdoulilah. Mieux qu'hier. Ouais, beaucoup mieux qu'hier. Mieux qu'avant-hier. Bon, qu'est-ce qui s'est passé sur ces dernières 40 heures, Ice? Bah écoute, j'étais placé en garde à vue. Voilà, je suis sorti ce matin à 10h en même temps que mon album. Oui, c'est ça en fait. Et c'est pas un coup, je dis ça, c'est pas un coup de promo. Non, c'est pas un coup croyez de promo. Croyez pas que ça tombe mal. Voilà, c'est des voilà, choses. Voilà, ça tombe mal. C'est des choses de la vie qui tombent mal. C'est des choses de la vie, voilà. Après, faut savoir que c'est pas quelque chose de très grave non plus. Voilà, j'ai braqué personne. Oui, t'as été braqué personne voilà, entre deux planètes rap. Voilà, c'est des choses qui arrivent de la vie quotidienne. Voilà, c'est comme ça. Et l'essentiel, c'est que je sois sorti ce matin. Et j'ai vu aussi les retours sur l'album L'Or des Rois. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est-à-dire que tu sors et tu tombes directement sur la sortie de l'album. Tu vois tous les messages, tous les gens qui t'ont accompagné. Il y a eu beaucoup, beaucoup de messages de soutien. Hier, on avait ton avocate. Voilà, c'est pour rappeler aussi que c'était pas un coup promo. Je pense pas qu'une avocate s'amusera à rentrer. Non, gros bisous à elle d'ailleurs. Ouais. Merci maître. Merci beaucoup. Maître Mathy, voilà. Qu'on a eu en ligne. Et donc, c'est généralement les avocats, tu joues pas trop là-dessus. Et donc, une grosse dédicace, justement, pour ses petits neveux qui s'appellent Sacha et Amir. Donc voilà, grosse dédicace à vous. Voilà, et grosse dédicace à elle, merci. Petite dédicace à tout le monde. Et pour revenir et fermer la parenthèse, parce que ici, Planet Rap, j'ai jamais voulu rentrer dans ce jeu qu'on peut voir un peu partout sur internet avec les coups de buzz et tout. Ouais. Je vais pas te demander de te justifier, savoir ce qui s'est vraiment passé, parce que je pense qu'en plus, il y a une instruction en cours, enfin il y a quelque chose en cours fait, et voilà, que tu peux pas trop voilà, t'exprimer là-dessus. Le truc c'est que j'ai une convocation, l'affaire est en cours, donc je peux pas encore m'étaler dessus, mais mes locaux et mes locas seront tenus au courant, comme de toutes mes news, donc voilà. Donc le plus important c'est que tu vas bien. Voilà, c'est que tu je es en forme. En forme, encore plus en forme pour exploser le rap game et les rappeurs. Il paraît que pendant ces 40 heures tu as écouté Planet Rap. Bah justement, ils écoutaient Planet Rap. Premier sur les comicos pendant 40 heures. Exactement, ils écoutaient Planet Rap, tu sais, ça les faisait kiffer de savoir que j'avais raté Skyrock. Donc voilà, t'as vu. Donc tu étais bloqué en même temps, tu écoutais l'émission, tu étais représenté. On peut saluer les XV Barbares qui sont passés. Ouais, merci à XV Barbares, Volteface. Merci aussi à Yvick, Mister V. Ouais, mais c'est vrai que Mister V qui est passé merci, nous voir frérot. Aussi. Ouais. Voilà, merci à lui que j'avais invité, tu vois, qui s'est retrouvé là et qui a kické, tu vois. Et franchement, merci beaucoup à lui, tu vois. Bon, et puis pour rassurer aussi les Lyonnais, parce que les Lyonnais s'inquiétaient. Ouais, c'est normal, c'est normal. Bah non, ce soir, je vais au Red Room. Là, je suis en direct à Skyrock. Là. Et après, tu files. À 21h, je me casse. Je vais direct à Lyon. Donc, et je serai là au Red Room. Donc, commencez à y aller. Commencez à chauffer la salle. Je vais arriver. On vers 2-3 heures du mat. Voilà, vers 2-3 heures du mat, ça va envoyer comme jamais. Tu prends le Ice Jet. Ouais. et tu débarques du côté de Lyon. Demain, tu seras aussi de retour sur Paris pour la séance dédicace. Et demain, voilà, séance dédicace à Sniper Shop, 27 avenue Clichy, métro. La Fourchou Place Clichy pour une grosse séance dédicace. N'oubliez pas, ramenez vos CD, je vais vous les dédicacer. Il y aura des t-shirts à acheter sur place pour ceux qui veulent. Je dédicace tout, je serai là pour mes locaux. Et si on peut, un gros freestyle en pleine avenue Clichy. Voilà. Et bah très bien, donc Ice Lem, si en pleine forme, comme vous pouvez l'entendre. Content aussi du succès hein, parce que ça cartonne. Ça fait plaisir. Hein. Franchement, aujourd'hui, j'ai grave entendu. Même tout à l'heure, je tournais un peu sur Paris et j'ai entendu beaucoup de gens qui écoutaient. Et c'est vrai que c'est aussi une super semaine. J'ai envie de dire pour le rap, puisque numéro un des ventes, c'est Maître Gims. Il a vendu il a vendu 85 000 albums. Ouais, gros big en up à Gims. D'une semaine. Et félicitations à lui. Et il mérite. T'es numéro 2 et numéro 3, il y a Alonso. Donc voilà, c'est une belle semaine aussi pour le rap français. Voilà. Je pense qu'on peut s'en réjouir. Oui. Parce que parmi les trois meilleures ventes ou des précommandes, c'est le cas d'Alonso. Bah voilà. Vous êtes parmi les trois premiers. Et ça fait plaisir pour le rap français pour cette musique. Que de la qualité cette semaine. Bon Ice, tu n'étais pas là pendant ces dernières 40 heures. Mais il s'est passé des choses dans Planet Rap. On va revivre ça maintenant, c'est le replay de la semaine. Yeah. Écoute, c'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. Je dédicace ce putain de son mort bâtard à mon gablo. Pour les frères avec qui j'ai soulevé coffre fort et tableau. Quelques gouttes suffisent largement, demande d'abord c'est calbo. Même quand je suis sous champagne, série d'abdo. Prends mon retour comme une renaissance, Kurt Cobain. J'ai loco de Singapour et des cultures de Bodrum. Virage et chapeau de roue, prends le volant, roule. T'entends que bang bang, après le vroom vroom. J'arrive comme une reprise de Fegouli dans les arrêts de jeu. Je n'associe personne à Dieu, ne regarde pas comme si j'allais tcheux. J'ai le QI qui dérange tout ce game de rageux. Je traîne avec des rageux, on est les graves, on de lâcheux. Sourire de Kabylie, je fais pas de pitié pour les Halki, plutôt va te faire arracher. Je fais pas de micro sur les paquets, Cavani, Bayern ou Pepsi du même pile, on viennent des paquettes. Pas confiance en l'être humain, je me confie sur le tapis, ses semelles sont rouges, cette pute a marché sur mon cœur. As-tu vu la mort te regarder d'un air moqueur? A creuse hypocrisie dans ton regard de donneur. Tu veux la peau de l'MC, faut te lever de bonheur. Planet Rap. T'as peut-être déjà vu ma gueule sur un poster, pose pas de questions, mets ton cavi sur la canne. Je passe comme un Philippe en train de vider des bracelets. Pas d'espace et de temps malgré les équations d'Albert Hauss. Misez le ton fait tomber de masse S, ma volubilité qu'elle leur foutu bassesse. Ice, interpellé pour un délit de faciès, barbe un poli dans la pyramide ou l'iceberg. Un policier de midi dans le holster, drive by en bolide, c'est bicon ou paye. Violence, Pierre Ice, Algérienne gangster, Cristiano, durable 2 millions d'euros le transfert. Snitch, t'as rien à faire. frire dans le four. Tu deviens trop lourd, je te jette de la montgolfière. American Express dans le larfeuille. Si tu spars pour aller braquer leur fer. J'ai la folie des grands verres et mon arsenal dans le coffre. Ta vie, ton équipe, ton vécu, ta mif, Adam. J'ai grandi, on vieillit avec des balles dans le corps. Église d'Amali dans ton McDonald's dans le fer. 230 d'Amsterdam à Berlin. Massage taillé match du Paris Saint-Germain. Stranguler les assailles au drapeau algérien. Ils ont entendu pyramide, ils m'ont pris pour Merlin. Moi, c'est Ice Lam, si, donc je sais pas qui a. Percocus, je sais pas qui a 2-3 litres dans le cush. Planet Grass. Il est temps que l'on se tire, le climat me consterne. Leur idée me constipe, donc il faudrait qu'on se taise. En fait, faut qu'on kiffe que mes négros acquiescent. Pendant qu'ils rétrécissent dans mon rétroviseur, ils m'ont dans leur viseur, j'en place une pour mon peuple disert. Posé sur le soleil, évitant le sommeil. Comme un nazi au bled, je suis dans mauvais contexte. Ils pensaient pas que je perce. Sans avoir de pastèche, j'ai niqué le contexte. Et c'est tout ce qui nous parle, nous. La bonne vie et la bonne bouffe. Je vous dis bonne nuit ou plutôt bonne bourre. On n'a pas l'envie mais on a le grand pour. Éviter contrôle, faire des plans louches. On les connaît ces filles avec des bandes couches. Qui pensent être derrière même sur le banc de touche. Et méritent le même sort que mon gun douche. Hey. Tous les soirs. Yeah, c'est Ice Lam C dans Planet Rap. Skyrock. En direct sur Skyrock. En direct, le retour d'Ice Lam C ce soir avec la sortie de l'album. Depuis ce matin, c'est dans les bacs, l'or des feu, rois. En feu, c'est la guerre cérébrale. Et il y a du monde, et d'ailleurs un petit peu, alors c'est pas pour s'excuser, parce que voilà, on le disait tout à l'heure, avec cette garde à vue, tu l'as pas fait exprès, tu l'as pas choisi, mais tu vas offrir carrément une sorte de mini showcase dans quelques minutes. Ouais, je vais vous offrir un concert privé. Un concert privé pour Skies Rock. Voilà, c'est ça. Voilà, Libertize. Ce que vous voulez, on va tuer ça. Ice en concert, le hashtag, ou Ice Lam C sur Skyrock. Donc, sorte de concert un petit peu pour récompenser tous ceux aussi qui ont été récupérés cet album depuis ce matin. Ouais, merci beaucoup, vraiment, à tous ceux. En plus, vous m'avez envoyé des photos, des vidéos en train de prendre l'album, de le mettre dans vos chambres et tout, dans vos voitures. Merci beaucoup. La version collector qui est chez la Fnac aussi. Hein, la version collector, bien sûr, qui est toujours disponible à la Fnac avec le polo triangle d'or à l'intérieur. Merci beaucoup. Je continue à partager vos photos, vos vidéos sur mon Instagram IceLamC75, sur mon Facebook IceLamC et sur Twitter Ice-du-bas-lamC. Donc continuez à envoyer ça, on est ensemble. Et puis Ice, après ces 40 heures, tu as aussi récupéré le portable où on pouvait te joindre cette semaine, ou enfin presque, au 06 71 74 84 15. Nous on l'a récupéré aussi un petit peu puisqu'on a les codes de tout. Et écoute les messages qui ont été laissés pour toi par les auditeurs et auditrices de Skyrock. Ouais, Slim, on est là, mon gars, on est là, on te soutient, on lâche rien. Oh, il est tranquille ou quoi? Et on est là pour soutenir, alors des rois, c'est Walking Dead, bonhomme, c'est Walking Dead, mon gars. Si, Slim, si, l'or des rois, le casse, c'est bon. Slim, si, je t'aime trop. Je t'écoute pas, je suis trop contente. Ouais, Ice, ma femme, elle recherche un millionnaire, là. Elle recherche un millionnaire. Il est un millionnaire. Elle aime le big manomètre. Et t'es bon, mon gars. Je te dis, t'es trop bon. Et je sais pas combien de temps je l'attends. Ça fait depuis un petit pas pour l'MC. J'attends que tu vas sortir au mois de septembre. Allô, MC, je suis avec mes amis et tout. Mais on se kiffe de fou, tu sais. Depuis le début avec votre face dans Dailymotion, bref. Écoute, moi je te mens pas. J'achète jamais l'album des chanteurs. Mais toi, t'es un artiste. Je suis obligée de te respecter et d'acheter l'heure des rois le 4 septembre. Ouais, Kenzie, franchement, j'aime trop ce que tu fais depuis un bout de temps. Mais j'ai même fait écouter un peu freestyle à mon père et il a kiffé. Alors, bon, franchement, continue ce que tu fais. Oh, ton album, on l'a trop. On va le continuer direct. On va le faire tourner, photo. T'inquiète même pas. Colo, colo, co. Ouais, ah, c'est bien quoi, ah, c'est bien. Aïe, tu niques tout. Voilà, tu niques tout, frère. Oh. J'étais pas la belle gueule, la belle gueule, mais tu parles dans le gueule, mais carrément, Aragon, il est malin dans la monnaie, dans la mine, malin, malin, malin, malin, malin, malin, malin, malin, malin, malin, malin, malin, malin, malin, malin, malin, malin, malin, voilà. Ah là là, un petit florilège, il y en avait tellement d'autres plus. Là, donc là, merci à vous tous. Merci à vous tous, vraiment. Le téléphone qui n'arrête pas de sonner, 06 71 74 84 15, que tu remettras à Maître Gims qui reviendra la semaine prochaine entre 20 et 21. Allez, on va quand même prendre un appel. Tu vas en prendre un juste avant d'attaquer le live, vas-y. Allez. Allez. Allô. Ouais, ça va ou quoi? Tranquille. Ouais, tranquille, et toi? Aïe aïe aïe. Tu m'as fait stresser là, la garde avec tout. Non, t'inquiète, ça va, mon frère, je suis de retour, t'inquiète. Ok, bon, je veux dire, je te soutiens depuis 2 ans. Ah, merci beaucoup. J'ai peut-être 16 ans, mais je sais pas, tu me rends dingue. Je vais essayer de venir demain, samedi, au Sniper Shop. Ah, ça me ferait plaisir, vraiment, viens. En tout cas, tes sons, tes trucs, tu sais, c'est de la dingue. Ouais, merci, mon frère. Aïe aïe aïe. La DFB, toute l'équipe. Aïe aïe aïe, toute l'équipe te passe le salam, merci mon frère. Ok, j'entends le projet. Eh ben merci, merci, merci à toi en tout cas. Voilà un petit, aïe, aïe, aïe. Un petit coup de fil en direct dans l'émission. Et avant ça, je voudrais passer une dédicace aux personnes que j'ai eues avant au téléphone. Donc il y a Nasro de Lyon, il y a Mike de Lyon aussi. N'oubliez pas que ce soir je serai au Red Room. Il y a Yanis, voilà. Petite dédicace à mon Zincou, l'autre fille H du Sud et à Joe Linger. On est ensemble. Bon, est-ce que tu es prêt, Aïs? Est-ce que tu es chaud? C'est parti. C'est parti, session live. Parti. On attaque tout de suite une heure de live avec Une heure de live. Il y a aussi Agrume avec moi, Abim avec moi, District avec moi, Charnel avec moi pour le morceau MS17 Gang en direct de Skyrock, mon pico. Yeah! 4 septembre. L'Ordre des Rois est dans les bacs. Je suis un putain de maître de cérémonie. Frère, j'en ai viscère de la Malie. 60 chargé contre les obliques. Je fume la verte avec parcimonie. Par ici, la monnaie magnum pour mes homies. Ignorance pour les mes 10 ans. Je me dois d'être le rappeur le plus puissant. Sache qu'à mes 10 ans, je me le suis promis. Elle me tire dans la chambre par le chip. Si je vends plus, ces salopes me chip. Mais je tiens mieux que la muraille de Chine. Ils ont du pétrole, j'ai du gaz de schiste. Lyriciste hyperactif. Ils pensent que je love la coco, que j'ai des faces d'autiste. Rappeur me demande encore en freestyle. Sadomasochiste, on tire sur Pouka. Mauvais payeur, rappeur, usurpateur et flûtiste. Procureur nous prive des meilleurs. Je pense à Ulysse. Des 5 cellules 10, on regrette jadis. Le monde part en couille, les âmes veulent une chatte, les femmes un pénis. Prochaine étape, ils emmènent nos gosses avant qu'en scolaire sur des plages nudistes. J'ai la barre à l'enterrement d'un flic, ils ont mis deux pyjas, sango pour une 10. C'est mon 17, j'encule ta jet set, je reste ghetto même quand je baise une actrice. Rentre dans la matrice, plus sens en Afrique, toute ma population stagnée. J'ai toujours le Saint Marianne sur notre sol, 133 putains de longues années. J'ai spiff, je veux plus voir la spiff, je vais vous faire la guerre comme le fils de Bush. Le rap, c'est la street, pose le micro tout de suite, on va te baiser ta mère, enculé de fils de bourge. L'Ordre des Rois est dans les bacs, Bico. 4 septembre. L'Ordre des Rois est dans les bacs, Bico. 4 septembre, 4 septembre. Yeah. 4 septembre, 4 septembre. Yeah. Merci à tous ceux qui se sont procurés l'Ordre des Rois. La famille, ce soir, on est ensemble pour un live spécial high sur Sky's Rock. Balance le son, mon refrain. Je dégaine, je tire, j'en gagne à guerre. J'y pense à chaque bagatelle. Je dégaine, je tire, j'en gagne à guerre. C'est pas juste. On m'a demandé d'être stoïque. Des traces de griffes sur l'homoplate et le poids de Paname sur les deltoïdes. Je suis un nice stéroïde. Je vois les anciens tombés dans l'héroïne. Petit Magloire n'a rien d'un acte héroïque. Stéroïde. Tous mes concurrents, j'ai l'atome de folie dans la plume depuis l'époque où je dis que sur Tutti, j'ai premier. Je parle en l'occurrence de mon assurance. C'est le fils de pute qui voulait ma perche. Je n'ai jamais attendu que vous m'aidiez. Il serait temps de troquer Paco Rabanne contre un muscle pour mes bicots. 45 kilos qui te montent en l'air. Une montagne de muscles masqués pour le caisse du siècle. Fourchette à 10 ou 20 ans, ça ramasse les frères à la petite cuillère aux assiettes. À quelques heures de la floraison, lumière bleutée dans la nuit. Blotti près de la cargaison, la raison ne l'emporte pas sur la folie. Moi je me torche avec leur estime. J'ai des idées noires, pas le rire jaunâtre. Raptor couleur Palestine, je désertigueule vers l'Arizona. Je zonais ivre, rentrais tard alors que maman s'inquiétait. Elle qui m'a toujours dit choisir la femme de ma vie pour sa piété. J'en ai vu de la cam sur le macadam, ma trame, un drame, mais les rix t'en parle. Ça me fait mal de les voir renier leur couleur avec le trou de balle. On m'a demandé d'être stoïque. Des traces de griffes sur l'homoplate et le poids de Paname sur les deltoïdes. Je suis un nice stéroïde. Je vois les anciens tomber dans l'héroïne. Petit Magloire n'a rien d'un acte terrorique. Je terrorise tous mes concurrents. J'ai l'atome de folie dans la plume depuis l'époque où je tiquais sur du DJ premier. Je parle en l'occurrence de mon assurance Pico. Je savais que la pomme ne tomberait sûrement pas loin du pommier. La folie, les douilles de balader. J'y pense à chaque bagatelle. 4 septembre, 4 septembre. J'ai pris la vie comme une cicatrice et le métronome comme à tel. C'était pas juste pour la paye. La pression d'un molo show hit dans la mâchoire et mes chaînes mains sur la machette du pesage stéroïde. La pression d'un molo show hit dans la mâchoire et mes chaînes doigts sur la gâchette du P4 stéroïde. Yeah. Tous mes concurrents, j'ai l'atome de folie dans la plume. Petit con, passe-moi le micro que je t'apprenne à faire ton métier. Je parle en l'occurrence de mon assurance et des fils de pute qui voulaient ma perche. Je n'ai jamais attendu que vous m'aidiez. Lancé par la stupe à cause du meucro sur les jambes. Je passe en télé le commissaire sans XV barbare dans son huc. Canon scié dans mon froc, je sens comme un froid sur ma jambe. Chaîne en diamant sur le cou, je sens comme un froid sur ma nuque. Propreté de mes lyrics style, j'envoie des lyrics intemporels. Remballez vos critiques satiriques, j'ai la meilleure plume contemporaine. Bande de prostituées sataniques, vous n'êtes donc qu'à porter la haine. Goûtez donc à l'automatique. Bang, bang, bang, bang. Story. Des traces de griffes sur l'homoplate et le poids de Paname sur les deltoïdes. Je suis un nice stéroïde. Je vois les anciens tomber dans l'héroïne. Petit Magloire n'a rien d'un acte héroïque. Je terrorise tous mes concurrents. J'ai l'atome de folie dans la plume. Petit con, passe-moi le micro que je t'apprenne à faire ton métier. Je parle en l'occurrence de mon assurance Pico, je savais que la femme me tomberait sûrement pas loin du pommier. J'ai des gains, j'attire, j'en gagne again. M'arrêtez pas demain la veille. La folie, les douilles de balater, j'y pense à chaque bagatelle. J'ai pris la vie comme une cicatrice et le métronome comme un tel. C'était pas juste pour la paix. J'ai des gains, j'attire, j'en gagne again. Yeah, 4 septembre. J'ai des gains, j'attire, j'en gagne again. J'y pense à chaque bagatelle. Stoïque. J'ai des gains, j'attire, j'en gagne again. C'était pas juste pour la paix. Merci à tout le monde. Yeah. Aujourd'hui on est le 4 septembre en direct de Sky. Aïe aïe aïe aïe aïe. Oui. Yeah, yeah, yeah. Hi Slam Team. Yeah ho. Bon, foutez le feu dans le studio là, on va commencer à foutre le zbeul là. Yeah, tout le monde. Grosse pointure de l'uranium au cœur du réacteur. Faut que je délaisse la haute couture pour le grand créateur. Messieurs les rappeurs, je reviens démasquer vos jeux d'acteurs. Faut le platine faire couler l'encre des grands rédacteurs. Même si je te fusille des yeux, je te mitraille de la bouche. On change de buteur sur le terrain, je t'envoie le talon sur la touche. Même si fait péter les cieux du gamme au skill de gauche. Ouais, je t'as les lèvres, gère ces bitches, on ne fait pas fumer sur la couche. Yeah, huh? High slam, c'est gay, big glam. Si baisse le rap game, yeah, huh? Harcèlement, je sais pas ce qu'elles veulent. Je ramasse plus de buts que two chains, yeah, huh? On n'avait pas les dinero. Traumatiser les anciens tombe dans l'héro. Même si ton flow manque de sel minero. Je viens de sortir de ma coquille caline. J'ai triangle d'orgueil, on amène la calida. D'endor que d'un œil envisage une tyrannie pyramidale. Friant de métaphores, du flow dans les amygdales. Un pourcentage sur tous vos projets, je vous raquette à la ritale. J'ai triangle d'orgueil, on amène la calida. D'endor que d'un œil envisage une tyrannie pyramidale. Friant de métaphores, du flow dans les amygdales. Un pourcentage sur tous vos projets, je vous raquette à la ritale. Yeah, oh. J'tiens la dalle, j'suis de retour, j'ai la dalle. Volte face à la dalle, XV barbare à la dalle, l'or des rois. PSO thug à la dalle, l'or des rois. Triangle d'or à la dalle, Bico j'ai la dalle, Blanco j'ai la dalle, Blanco j'ai la dalle, Loca j'ai la dalle, la dalle, yeah, la dalle, yeah, la dalle, la dalle. Yeah, oh. Ah, toutes les locas dans vos voitures, dans vos chambres. Je veux du feu en vous. Triangle d'or. À toutes mes locas. Allez les filles, on se déhanche. Yeah. Même si t'as tourné, t'es ma loca. Pas de manière, si tu me plais, j'y vais à l'audace. Excusez-moi. Eurasienne, américana, quelle que soit ta couleur ou tes origines. Africana, Guatemala, je les rends malades, me voient dans les magazines. J'pilote trop vite, pour elle, elle en a des mots de cœur. Loca ne vient pas me remémorer telle ou telle fleur. Ce soir, telle arène qu'il manque d'un Montréal Ken Flush. J'fais voler les billets pour n'a rien inspecteur. J'fais jaillir le champagne pendant qu'elle twerk. J'fais jaillir le champagne pendant qu'elle twerk. Pendant qu'elle twerk, toc toc toc, ça frappe à la porte. Elle pense que c'est la police. Loca, sois forte, c'était seulement le fleuriste. Yeah, j'passe les rapports et le vent caresse tes cheveux lisses. C'est que j'suis so hard, Loca, place à l'insomnie. Je viens te délivrer, j'ai ce qu'il te manque. Qu'est-ce que tu dirais de faire le tour du monde? Je viens te délivrer, j'ai ce qu'il te manque. L'or des rois. Ma bimbo loca, t'as besoin d'un vrai loco. Ma bimbo loca, t'as besoin d'un vrai. Je suis dans la Lamborghini, j'ai la money, je suis venu. Ma bimbo loca, t'as besoin d'un vrai. Je suis dans la Lamborghini, j'ai la money, je suis venu te délivrer. J'ai ce qu'il te manque. Ma bimbo loca, t'as besoin d'un vrai loco. Yeah, yeah. C'est le 4 septembre. C'est le 4 septembre. L'or des rois. C'est le 4 septembre. 4 septembre. Yeah, yeah, yeah, yeah. Je te parle d'un truc, je te parle d'un truc. Je te parle d'un truc. Je te parle d'un truc. Je te parle d'un truc. Je suis arrivé en 1-1, je suis parti en 2-2. Je reviens en 4-4 avec un 9-9, bitch. Je visais la lune avant de monter les étoiles. J'amène l'info Star Trek, t'as réussi Psar Tech. Combien t'as-tu payé pour acheter la victoire? Dis-nous combien de fois changer d'équipe, espèce de sale trait. Break dans ta salle, tête, installe la vie, ta salle off. Trop d'inspice, brème, gesti comme le box. Meilleur petit veille sur le box. 75 carats sur le torse, on a sorti. Pas payant pour te piquer comme la veille. Tais-toi poupée, au loin j'entends rire les hyènes. On n'est pas beau, on est bourbier. Tu n'empêches t'empêchera pas. Le client prend le sème, si tu l'as mal viscère, tu n'empêcheras pas de sortir ta petite fleur. Tu lui demandes des sous comme un petit. J'ai vu la gazeuse à Carlos, des kilos de cocaïne, des milliers de lames. J'ai jeté mon calumet, mais je vais t'affronter. Va, ton sien est des pantalons, mais il y avait des nicotes. Je te parle un truc de ouf, je te parle d'un truc. Oui, oui, je te parle d'un truc. Oui, oui, je te parle d'un truc. Oui, oui, Pico, je vais te faire un truc de ouf. Je te parle d'un truc, aïe, aïe, je te parle d'un truc. Je te parle d'un truc, bitch. Vas-y, Wissem, balance la suite, mon ref. Yeah, j'espère que tous les Bico, Blanco, Blanco et les Locas sont branchés sur Sky à l'heure où je parle, à l'heure où je freestyle. MS17 Gang! Ce soir, il y a Agrume, District, Abîme et Charnel parmi nous. On va envoyer comme jamais on a envoyé. Ok. Je dégage assez de testostérone pour faire toi que ça aille. Risque oui. Pas monter Christophe Vessi, plein d'un acide Cyrock, TDO. C'est plus du Ferra, c'est du Free Fight. Russe, on débarque à 70 pour un freestyle à Skyrock. Danse avec les lounages dans l'Afrique avec les requins. On semble l'air de comme le bison. La France nous compare au Rick. Un gars à ton équipe de Gnou, la mienne te raquette à la Rita. L'usique Romé gros dégradé sous le bandana Porto Rica. MS 17. Pour qu'ici tu passes à table, on passe aux assiettes. Respecte un 7, ne pas jouer les grossistes, on sait que t'es à sec. Nada a déjà pris l'arsène. Pourtant quand tu rappes j'entends que des larcènes. Basse, agrume, abîme, district, des charnels. Tu veux pécho, c'est par ici la France de Martienne. Dis-moi s'il y a des decks qui passent. On répond mal au parlement, on reste à l'affût à des choses que l'on n'esquive pas. Tu m'entends moi rapper, j'suis dans la street. Bien sûr qu'il y a des choses qui se trament. Troisième doigt en l'air envers la spip. Titulaire dans la team, moi le prenne pour un city squad. Pose-toi sur le banc, mets-toi isolé. Visser le show comme le cas Genève. Va pas la peau d'un négro avant d'achever. D'après le faux se mais je m'en tape, je rêve. Les neurones fracturés, fais pas le fou, on va trouver ta clique. Si le rap est car je lui fourre et ma bite. Sur les miens s'acharne la foudre, on s'abrite. Mais si tu cherches le chemin du four, je te l'indique. Je joue pas trop les Tupac. All eyes on me. Je suis posé avec mon squad. Ne cherche pas d'ennui. Ils se demandent encore ce qui se passe, on remet de l'ordre. C'est solide. Je fume de l'air de la chronique. Ils sont là pour la déco. Gabriel Solis Game. X mais pas qu'à d'abord, on a les matières premières en bas, ton dolly. Le but qui quand on passe les rapports, dernier point, dernière ceinture, dernier police. On fait big, grave la peur, du poursuivre, placé sans suite, y'a pas de preuve. Course poursuite, l'adrénaline nous excite, y'a pas de peur. MS17, pas de faible, en pleine la forme. MS17, yeah. X mais pas qu'à d'abord, on a les matières premières en bas, ton dolly. Ta pute qui quand on passe les rapports, dernier pilon, dernière ceinture, dernier police. On fait big, grave la peur, du poursuivre, placé sans suite, y'a pas de preuve. Un chat B.I.M. La folie, 17 gang. J'ai le seum, je roule avec dessus, là je suis pas d'humeur. Un bon entendeur, j'en vis que puissant et les non-fumeurs. Ouais, c'est des pauvres et prétendent le contraire de quoi ils parlent. C'est une extérieure de richesse, je me souviens de ma première paire d'air masse. Je considère la vie comme une putain. Mat, c'est toi ou rack. Et toute la vie de misérables qui vivent à deux pas d'échange de pas. Quand on leur dit qu'on vient du 7-10, ça leur fait bizarre. De la mort, on est dans le couloir, c'est pour l'odeur. L'égalité des chances, ils sont tous. Laisse-moi diffuser ma science. Putain de sous-culture, la génération sacrifiée, c'est nos darons. Nous, elle est foutue. On aime les choses simples, mais futilité, on en abuse. Au concours du match, tu veux en club, sur laquelle d'étape y'a plus de match. Tu es tous en yinche. En plus de ça, leur salope, ils sont tous en yinche. Bleu des darons qui s'aident ou d'en passe. Non, c'est affreux, non mais mince. Brrr, je représente tous les quinze. Algérie et Bénin qui vient pour baiser ses timbres. Si t'as pensé que t'étais une star chez les miens, quand t'as juste fait la première partie, le temps qu'on se confie. Ray, y'a de la scène, y'a de la paix, y'a des sérieux. Ray, pas trop besoin de podcast, je sais qu'au placard ils vont pas m'assumer. Ré 1, je suis seul, plus le seum, une job, une pute et une breu. Pow, pow, on s'est fait seul, tout seul, on fout le seum. Casse pas la démarche, je te pète une bête, pas habillé. J'ai des quartiers populaires, lunettes, quartier pompe en l'air. Pouto, je faisais du papillon. J'ai parcouru des kilomètres, je peux te piquer comme l'abeille. Pouquito, j'ai sorti le papillon. L'insomniaque qui est dans la vue, je n'ai pas dormi depuis 6 mois. J'ai donc éclaté ce putain de sablier. Putain de sablier. Tu pourras jamais faire trembler mon gang. Ici, y'a que des buts, reste sur la touche. Espèce de pouto, surveille donc ta bitch. Elle louche sur mon cache, elle fume sur ma couche. Shit ma hey, je suis spelle de hard bouche. La street me salue. Triangle d'or sur la casquette et le t-shirt. Ouais, je pique, tu te prends pour l'île d'arc. Mais ta pétaille dégueulasse d'or au campanile. X fait back d'un d'abord, on a les matières premières en bas ton dolly. Ta pute crie quand on passe les rapports. Dernier pilon, dernière ceinture, dernier poli. On fait big, grave la peur. Les poursuites classées sans suite, y'a pas de preuve. Course poursuite, l'adrénaline nous excite, y'a pas de pleurs. MS 17, pas de faible, on plaide la folie. MS 17, gang. XV Bagdad d'abord, on a les matières premières en bâton d'olive. Ta pute crie quand on passe les rapports. Dernier pilon, dernière ceinture, dernier bolide. On fait que pic, rap la peuf, pris pour cible, classé sans suite, y'a pas de preuve. Course poursuite, la vraie nous excite, y'a pas de pleurs. MS-17, pas de faible, on plaide la folie. MS-17, yeah. Charnel. J'entends des voix dans ma tête, yo, toute la journée. MS-17, gang. Que ça va exploser. Je ne suis pas tout seul dans cette galère. Ah ouais, ça tu connais. Ah ouais, MS-17, gang. Tout le monde. M.I. Nigga. J'entends des voix dans ma tête, yo, toute la journée. Elles me disent d'arrêter toutes mes faiblesses. Ah ouais, ça tu connais. Je ne suis pas tout seul dans cette galère. Ah ouais, ça tu connais. Ah ouais, ça tu connais. Ah ouais, ça tu connais. Ah ouais, ça tu connais. MS-17 gang. MS-17 gang. MS-17 gang. MS-17 gang. C'était MS-17 gang. Bico. Aïe, le feu. À l'instant, la guerre cérébrale. En live, on peut faire un peu de bruit, s'il vous plaît, ici dans le studio. On a dit concert pour tout le monde, donc concert, ça mouille dans tous les sens. Ça mouille le maillot derrière la radio aussi, entre 20h et 21h avec Ice MC. Je vous le disais, en pleine forme Ice MC, de retour dans le Planet Rap en direct. À fond, mon frère. Avec la sortie de L'Or des Rois depuis aujourd'hui, ouais, l'album. Depuis aujourd'hui, voilà. Dites-nous un peu les morceaux, si vous avez récupéré l'album, vos morceaux préférés, balancez avec le hashtag Ice MC sur Skyrock. Balancez vos morceaux et dites-nous ce que vous pensez de MS-17 aussi. Et MS-17, il y a un petit mot sur les gens qui t'accompagnent sur le morceau. Voilà. Alors les gens qui m'accompagnent, ça fait aussi très longtemps que je rappe avec eux. Voilà, c'est des gens qui ont mon âge, qui viennent de mon quartier. On se connaît depuis longtemps. C'est des gros rappeurs, tu vois. Il y a Charnel aussi qui chante, qui faisait partie du groupe Ange d'Afrique. Voilà, c'est important de le préciser. Et voilà, gros big up à eux, parce que voilà, il fallait qu'on vienne et qu'on montre ce qu'on donne quand on est ensemble. Et vas-y, ça fait des années qu'on rappe ensemble, tu vois. Et puis c'est un morceau que vous retrouvez sur l'album L'Or des Rois, c'est aussi. Voilà un morceau, que l'un de mes morceaux préférés de l'album. Très bien, bah, dites-nous vos morceaux préférés, vous le balancez avec le hashtag XLMC. Qu'est-ce qu'on fait dans un instant? On reviendra encore avec du live? Ouais, on va revenir avec du live là, juste après la pub, on enchaîne, on continue. Ah ouais, ça continue. Ah, j'ai la dalle, poto, j'ai dormi 40 heures. Oui, qu'est-ce que ça fait pendant les 40 heures en fait? Hein? À part évidemment les fois où t'étais convoqué devant les OPJ, mais sinon c'était quoi? Je cherchais le freestyle que j'allais faire en sortant. C'est ça, ouais, ouais. T'as réussi à te reposer un peu ou... Ouais, j'essaye. De souffler un petit peu. T'inquiète, on va essayer. En tout cas, c'est pas le moment de dormir. Ouais. Et puis ça va pas être ce week-end, parce que ce soir on te retrouve, je le dis pour les Lyonnais, hein, ne vous inquiétez pas, il sera là. Ce soir je serai là au Red Room. Donc direction Lyon pour grosse soirée à partir de 2h du mat, il arrive tranquille. Ouais. Allez-y un petit peu avant pour prendre vos places. Ouais, voilà, commencez à chauffer la salle, ambiancez ça, ramenez vos poteaux, vos locas, tout ce qui bouge. Voilà. On est là. Et dans un instant, la suite de ce concert d'Ice MC avec ses invités, bougez pas. On revient, la roulette qui va tourner aussi, inscription par SMS 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone. Il y a des places pour aller voir Gims en tournée, on revient juste après ça. C'est l'émission rap de référence. Planet 20h-21h. Ladies and gentlemen, ce soir, Planet Rap. Ice MC avec nous entre 20 et 21. L'album L'Or des Rois est sorti. Beaucoup de demandes sur l'album. La guerre cérébrale. Des morceaux, j'ai vu Stoïque, les mauvais garçons dansent aussi. Ouais. Beaucoup de demandes sur ce morceau. C'est vrai. Vous continuez à balancer avec le hashtag Ice MC sur Skyrock entre 20h et 21h. Tu as quelques dédicaces, j'ai l'impression, devant toi. C'est vrai. Avant de repartir pour le live. Déjà, je vais dédicacer Lissu, Papson, Vegas, Sopac, Picos, Dino, aka Johnny. Remercier tout le D2 qui est en train de m'écouter à l'heure où je parle, tout le D2 de Fleury, merci les frères. Dédicace à Boubou de Villepinte. Aïe. Boubou de Villepinte au Heps et tout Villepinte bien sûr. Voilà. Dédicace à mon gars Mo de Alfortville et Jawad de Saint-Denis, voilà, qui étaient bloqués avec moi, qui ont été déférés. J'espère que ça s'est bien passé pour vous les frères. Et une petite dédicace à tout le monde, ceux à l'écoute. Entre 20 et 21, on est reparti Ice. On est reparti. Du live. Non-stop. Et pour tous ceux qui veulent entendre Ice MC en concert, c'est ce soir, c'est jusqu'à 21h sur Skyrock et on y va, c'est parti. On est reparti. Yeah. Walking Dead. Où sont mes zombies? Où sont mes zombies aussi? Yeah. Lima est comme Xera Inja dans le Tokyo Walking. Sofita Walking Dead. Sofita la Walking. Localatine la couleur mon camo camo la taupe. C'est moi qui pilote la navette, pense pas ton cul dans le cockpit. Autographe au greffier, la loi n'aime pas les pommades. Le Christ la vague arrive sur les lieux comme une tornade. Arrête un peu de la péter. La roue peut tourner, tu perds ton raté, tu béton, tu tronches les angles en promenade. Pareil, tu parles sur WAP. Espèce de grande pute. Je vomis des vérités, tu donnes des leçons de flic. Je t'accorde une photo, mais ne crois pas que ça sent le flic. On se ressemble pas, t'as fait le même parcours que moi, mais sans le flic. maintenant parce que j'ai signé le pacte avec le Danche. On l'a fait pour toi, même si tu signais, tu serais haché. Je veux de la fourche comme la clique, je mets du Versace. Mon téléphone arabe est plus puissant que ta 4G. Viens de mon 17 avec tes poutres bateaux, on va vous brûler chez nous tous les jours, c'est Walking Dead. Oh, Walking Dead, j'ai mon AA12, je ne rate aucune tête. X veut pas voir Walking Dead, PS on the Walking Dead. Walking Dead, alors se planter contre la putain. Si je te serre la main rappeur, je vais recompter mes doigts rappeurs. Je connais tous mes droits rappeurs, tu connais tous les poids. J'ai forgé mon talent sur des mélodies très anciennes, euphémisme et laconisme. Latin se mélange à ma voix, puis quand je vois ce qui est devenu le pur, je pisse la raille. Fils à papa veut prendre ma part du gâteau. J'ai trop souffert dans la street pour pas t'enculer ta race. Pareil que tu rases des murs en passant dans mon ghetto. Ça fait longtemps que j'attends mon air de mon don grand dame. Ils mettent tellement de vocodeurs en direct qu'ils se font comme ça. J'ai un plafre de l'art brut, un espèce d'homme singe. Et j'ai ri de l'Algérie, pareil sur les dorsaux. Le teint, Mossad, les cernes, violette, il y a longtemps que je n'ai pas dormi. Walking Dead, zombie aux armes, j'ai l'art, balette de Daryl et le magnum de Rick. Walking Dead, tu n'auras aucune tête. Mon 17 c'est de Walking Dead, allons sanglanter contre la putain. Walking Dead, ton équipe est distraite, tu te demandes encore si le crime c'est Mister Bow Wow Wow, yippee yo des billets. Plus de 6 mois d'insomnie, zombie yo, zombie yeah. J'descends du Zodiac, j'monte dans la Cadillac, Shimaye, j'allume au Shimi yo, Shimi. J'suis dans ma suite, je joue au docteur avec Avatar. Pilon du riff, on s'en fout du Tagada. Allez bouge, masse gros, tu es le batata. Fais le pour bloc à Pap, ça n'est Vegas, son car plein. Parle pas, t'as pas grandi dans le zoo. J'ai mis la seule à parachute dans la sacoche Kenzo. J'me suis jamais sorti aussi bien, j'vais bâtir un empire avec le pire que ce fils de pute m'ont jeté dans le dos. J'appelle tes rappeurs John Doe, MS17X. Viens pas m'emmerder, moi j'suis pas dans la jet set. MC c'est énervé, j'te rafale comme RD. Mon micro m'est fidèle comme le Tokarev à Jet. Yes. Zombie, zombie, zombie, zombie, zombie, zombie, zombie, zombie, zombie, zombie, zombie, zombie, zombie, Walking Dead. Walking Dead. Viens dans mon 17 avec tes putes au bateau, on va vous brûler chez nous tous les jours, c'est Walking Dead, bitch. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon, je vois qu'il y a Leto, je vois qu'il y a Pispa, je vois qu'il y a Jack Ness, je vois qu'il y a Chevet. Aïe aïe aïe. Je vois qu'il y a District aussi. Mon blaze à l'encre de Chine sur peinture murale. T'es jamais content, vie qu'au même coup t'as tout tu rames. Doucement sur deux schistes, tu vises une carrière durable. J'suis foncé dans le fond du cabaret, j'écoute du rail. Ok, j'donne la force à mes petits frères. Mes petits frères me donnent la force et je bombe le torse sur un cheval de fer. J'refuse d'être d'un vendre la farce, on t'a jamais vu dans la street. Toi, tu penses à quoi quand tu rapes? Tout le monde est monté dans l'io, t'y a plus personne quand tu rames. Quoi faire, fais-moi des pâtes fines. Manager, dealer, qui a pas de feed. Greg Batty, supplément viande, pas de frites. Non, j'irai pas dans ta vieille soirée, y'a pas de fille. Quoi faire, fais-moi des pâtes fines. Manager, dealer, qui a pas de feed. Greg Batty, supplément viande, pas de frites. J'irai pas dans ta vieille soirée, y'a pas de fille. J'ai fait ma wife, mes dos, les mains, moi, 300 000 km secondes à 300 000 watts. Je vagabonde à 3, ma conduite à droite, ma pétaise à droite. Elle a des formes, j'ai des fonds, je l'appelle, je suis rabat. Elle dit qu'on veut me drive-by. Je pète la forme, j'ai le canon dans le froc. Pour quitter la jalousie, te rattrape, alors ne me rate. Hop! Dis bonjour au Brolic, Eshtarsal Schlag, j'ai la frappe atomique, je détaille un tronc lit, je suis un électron libre, hashtag Einstein, Armstrong n'a jamais mis les pieds sur la lune. Je ne suis pas de ces paroliers qu'on surévalue. Franck qui travers le velu de l'avenue, je suis le renouveau, la main de fer dans un gant de velours. Jordan 11 kaki, Jordan 11 kaki, amenez le roi que je décapite, je contrôle la zone, capot del capi, tu voulais le freestyle, mais ice ta kill. Chaque année je fume 4 kills, bitch t'es bonne, t'as le sexe à pile, mais il te baisse tellement mal que tu préfères le sexe à pile. Ou nuque, ou nuque, ou sort, cosy, bico, un détail, t'as crash, bête, full chat, cosy. Faites entrer l'accusé, madame, elle dit que des chats, je ne dis pas Uzi. Trop de jugs, éditeurs, artistes, y'a que la famille sur tracklist. De plus en plus jeune, ils pactisent dans nos ghettos, l'extar en place. Smarties, Arte, la bite, quand y'a des babiers. Force à mes sans papiers, tu te manges une rafale dans l'abdomen pour une traînée de poudre et quelques papiers. Trop d'escrocs dans le rap, Bernard Tapie qui pour le conformisme tapine. Chacun de mes euphémismes brite, dans sa fire. Jalouse, te prends tout de suite, tu pars à qui? J'ai toujours du pourboire, la monnaie dans l'argent, le pouvoir. Je rentre en boîte en moonwalk, je n'ai pas peur de tes critiques, Audrey Pulver. Va. Yeah, poule à plein stream mon frère, y'a XV Barbare qui va rentrer avec les taux de PS au tag. On va envoyer ça et mon gars District bien sûr. We got London on the track. You understand? Young Stunner. Okay, District. Fresh gang. T'arrives à baiser ton game, effacer tes vies de putain prendre le trône, ouais. C'est le time de te démontrer que t'as rien de gang. Ferme ta gueule mec, pensez que t'es qu'un bel de gay. Ça le sait le cas, dans ma vie je me meilleure. Jean Art, tape t'aimerais bien mettre. J'en ai marre, mec, t'as jamais de cigarettes. Tu me taxes, en plus, et tu fais le mec. Hier, yeah. Mon négocité en haise. C'est pas compliqué, faut te servir de des coronaises. J'te galère depuis toujours, nique ta remis tes textes. M'appelle dit, ça fait de la fourche, je suis revenu les ouais. Ouais, là, je suis revenu les ouais. Et ça, l'homme savent que je vais voler la vedette, donc ils sont raves. Que je passe des vite avec velette comme moi. Mais par contre, c'est des dons d'art, c'est tard. C'est dit. Moi, je me dis, c'est sur le mic, c'est Paris. Déclare de la dingue qui baisse, c'est des bitches qui braille, fils. Vas-y les torrents sur me. Vas-y les torrents sur me. J'suis dans la kitchen avec S. Arme, cheveux, j'blesse. T'approches pas si tu n'es pas des nôtres. J'emballe cette dope et j'suis à l'hôtel avec elle. Bang, je reconnais le gang. Gang, j'ai ce truc chez Kasuma. Adrénaline et je baisse la fenêtre. J'suis trop hardcore pour cette bitch. Elle est plus qu'une bitch, peut-être m'a prévenu. Après ma transaction, je m'occupe de ton cas, chérie, t'inquiète pas. Libérez mes thugs. Picosso, pas que l'occasion, drogue ne s'arrête pas. Ce soir, je suis sur le corner, y'a trop d'encre qui passe. Je recule, j'aime mieux défoncer la porte de chez toi. Whippin' et whippin', je fouette comme ça. Et cette chaudasse kiffe, comment je cook? Qui mange cook? Bang, bang. Te perds jamais dans le four. Bang, bang, bang. Cheveski. Cheveski. Cheveski. Cheveski. Cheveski. Cheveski. Numéro 1, j'enroule un. J'ai pas peur de me mouiller. Je me suis mis seul dans le bain. X va barre liquide, me donne à 117% pour l'équipe. Non, l'équipe, beaucoup de rein. C'est pour cela que je me laisse de ton physique. Le rap c'est M, ça fait plus zizir. À l'époque c'était un pour tous, on passait famine. Tu ne vois que des hyènes, quand ça crie famine. Ça critique devant toi, il t'appelle le fameux. Tout part d'une femme, ça la sache-le. Dans la boue cette chaudasse, quand ça perd, elle sent toute tombeuse. La tête de ta tête, t'aurais pas équipé, elle épouserait ton père. Je n'arrêterai jamais la big rap. Quand tu m'as connu, c'est sous la nora. Je connais pas les coups, je prends de l'âge. Ni que l'oracle et l'oracle. Aucune menace, sinon j'ai fait le ménage. Mais pour cible, j'en ai dans les ménages. J'ai compris le manège, je te raille en Leonardo DiCaprio. Cheveski. Pisse-moi. Ça brique. Ça c'est pisse-moi. Du cul de tatoue de deux cartouches. De balle, c'est comme ça que j'écris mes lettres. Voltez la vautour, je vois tout comme Wade. Dino pour cadrer le périmètre. Moi je suis seul, tout vous êtes deux. Mais cramé comme une paire de téléphones. On m'a dit barbare, tu es un homme bon. Mais je ne savais pas que je devais l'être. Ah ouais. Nerveux comme Joe Petit, je me tape comme Belmondo. Le bal est parti tellement vite sur ton dos. Tellement vite que tu n'as pas eu le temps d'entendre les échos. Pisse-moi, que tu n'as pas eu le temps d'entendre les échos. Jackie, Tous mes zombies, mon visage assombri. Même sous ma pushka, tu me reconnais même hop. Non, je suis au fond dans l'appart. Bitch, j'ai mon nugget assorti avec mes sapés. Si je te croise dans le bat, t'es pas prêt d'en sortir. Comment Remets mon vieux. Mon vieux, là, ça va freestyler. We got London on the train. Ah, envoie. Après, je vais t'envoyer moi aussi avec toi. Jack Mess. Si mon vieux. En tout cas, on a eu près de 40 minutes de concert. Ok, c'est pas fini, frérot. Ah, ça continue. Ça continue. Ah, je pensais que tu t'arrêtais là, moi. Ah, si ça continue. What I know. Félicitations, mon frère. Au cœur du 7 et 5, au cœur du 7 et 5, sud des quartiers populaires, j'ai l'impération crépusculaire, lunettes quartier sur le nez, j'ai grandi sur une île sans mer, entends tu battes. Pull up. Problème d'instru, pull up. Tu veux porter l'or des rois, mais à quel prix? Au cœur de l'Utesse, entouré de pions et de valets, et je veux savoir en fait ce qu'ils valaient. Je suis un roi seul dans son palais. Au cœur du 7 et 5, au cœur du 7 et 5, au cœur du 7 et 5, au cœur du 7 et 5. Issu des quartiers populaires, j'ai l'inspiration crépusculaire. Lunettes quartier sur le nez, j'ai grandi sur une île sans mer. Entends-tu battre le cœur de Lutèce? Jusque dans nos textes, macadam brûle en grande vitesse. Je suis dans le tiers, un roi solo dans son palais. Cet or en vaut-il la peine? J'espère avoir fait ce qu'il fallait. Tous les valets veulent ma reine. La carrière humaine doit rafaler, bien entouré comme le parrain. C'est scaphandrier, chef le triangle d'or dans les fonds marins. Manda mon gawarano, ce que vaut la célébrité. La couronne me rend parano, je rappe en état d'ébriété. À vivre au rythme du piano, je vais trop vite pour m'arrêter. M'assois sur 1 million d'euros pour la seule qui m'a allaité. De l'Utesse, au cœur du monde entouré de pions et de valets, et je veux savoir en fait ce lors des rois dans les vagues. Je suis un roi seul dans son palais. Au cœur de l'Utesse, au cœur du pied des pingos, au cœur de l'Utesse, au cœur du pied des pingos, au cœur de l'Utesse, au cœur du pied des pingos, au cœur de l'Utesse. Yeah yeah yeah. Tous les auditeurs de Sky, les auditrices, est-ce que vous êtes encore chaud? Foutez le feu, où que vous soyez, l'ordre des rois est dans les bacs, on est le 4 septembre aujourd'hui, faites du bruit! Ouais, DJ! Islam, ok, triangle d'or, ok. Ok. Ok. Islam, ok, triangle d'or, ok. C'est badass, ok. J'esquisse un H à l'encre de Chine sur les murs du son. Perquise le cœur de maman se déchire dans ma perdition. J'écris mon art, quelques larmes dissimulées sur ma partition. Je suis un frère lumière, mais je peux t'atteindre en te dévoilant ma partie sombre. Hier tu faisais le fier, mais aujourd'hui je te regarde là-haut. Tu perds des plumes car la mienne conserve tout son arôme. Inch'Allah je retourne en Hassim Saoud en Murcielago. Range tes yeux, t'as pas le coup de Rengen pour tringler Mago. Les médisants pensent que je passe ma life à boire et taper. Ils en pensent que je passe ma life à boire et taper. Écorché vif, les remords font surface, à vie je suis marqué. Pas besoin d'un gramme pour te braquer, pas besoin de drame pour te maquer. Je cherche la guerre pour trouver la paix. Gang, XV, barba, fusil, on y est. Tu parles de gun, tu parles de street, nigga, on y est. Tu parles de gun, tu parles de street, nigga, on y est. Qu'est-ce que tu parles, rien que t'envoies des pics maintenant, on y est. Rolique, musique, bang, XB, bagbag, fusil, barillé. Tu parles de game, tu parles de street, nigga, on y est. La musique, ma maîtresse, bitch, à la street, je suis marié. Rien que tu me piques, elle est portée, y'a un coup maintenant qu'on y est. On y est, on y est. Rolique, musique, bang, XB, bagbag, fusil, barillé. On y est, on y est. Rien que tu me piques, elle est portée, y'a un coup maintenant qu'on y est. Obligé de faire de l'or, je suis né près des flux pétroliers. Mes derniers vont te jeter de la falaise, Albert 1er. Ma musique envoie ta chaise douce faire un petit séjour à Henriet. Viens pas faire les comptes, on a déjà strangulé le trésorier. Rolls Royce, Phantom, Panamera, Audi, quelques deux roues. Je n'ai aucune gêne, je mérite tout ce que j'ai, je ne dors que debout. tellement fan de moi, ce petit bâtard, il kiffe quand je le goom. Plus de 15 pétailles dans mon living room, c'est un film de boule. Les mecs disent en penche que j'ai signé le pacte avec le Tanché. Rien à faire pour toi, même si tu signes, tu serais haché. 1,7 g à 3,30 sur le périph', j'suis flashé. Hey, hey, 12 chargé côté passager, j'suis fâché. J'vais leur mettre des baffes si les lois sont faites pour être bafouées. Mon album est sorti en même temps que moi de cette putain de GAV. L'ordre des rois dans les bacs. L'ordre des rois dans les bacs. L'ordre des rois dans les bacs. L'ordre des rois dans les bacs. Bitch, l'ordre des rois dans les bacs. Brolic, musique, bang. Bagdad, Fizzy, Barney, tu parles de game, tu parles de street, nigga, on y est. La musique, ma maîtresse, bitch, à la street, je suis marié. Rien que tu me piques, elle est portée un coup maintenant qu'on y est. On y est. On y est, Brolic, musique, bang, XP, Bagdad, fusil, barillé. On y est, on y est. Rien que tu piques à des portées, un coup maintenant qu'on y est. Aïe, aïe, aïe. Que tout le monde fasse du bruit dans cette putain de salle. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Allez, on va repartir sur un dernier sur mon refrain. Un son que j'aime beaucoup et qu'on a déjà mis, mais que je vais remettre, c'est Au cœur de l'Utesse, mon Vico. Petit loco. Ambiancez-vous dans vos voitures, dans vos chambres, partout. Mais à quel prix ? Merci à tous ceux qui sont allés pécho le CD et qui vont y aller. Au cœur de l'Utesse. Au cœur de l'Utesse. Entouré de pions et de valets. Et je vais savoir faire ce qu'ils valaient. Au cœur de l'Utesse, au cœur du ciel des cinq. Au cœur de l'Utesse, au cœur du ciel des cinq. Au cœur de l'Utesse, au cœur du ciel des cinq. Au cœur de l'Utesse, au cœur du ciel des cinq. Issu des quartiers populaires, j'ai l'inspiration crépusculaire. Lunettes quartier sur le nez, j'ai grandi sur une île sans mer. Entends-tu battre le cœur de l'Utesse? Jusque dans nos textes, macadam brûle en grande vitesse. Je suis dans le tiers, un roi solo dans son palais. Cet or en vaut-il la peine? J'espère avoir fait ce qu'il fallait. Tous les valets veulent ma reine. La calèche humaine doit rafaler, bien entouré comme le parrain. Scaphandrier cherche le triangle d'or dans les fonds marins. Demande à mon gawarano ce que vaut la célébrité. Couronne me rend parano, je rappe en état d'ébriété. À vivre au rythme du piano, je vais trop vite pour m'arrêter. M'assois sur 1 million d'euros pour la seule qui m'a allaité. De l'Utesse, entouré de pions et de valets. Et je veux savoir faire ce qu'il valait. Je suis un roi seul dans son palais. Au cœur de l'Utesse, au cœur du ciel des cinq. Au cœur de l'Utesse, au cœur du ciel des cinq. Au cœur de l'Utesse, au cœur du ciel des cinq. Au cœur de l'Utesse, au cœur du ciel des cinq. Faites du bruit la famille, ce soir c'était le feu. Du bruit pour tous ceux qui étaient là. Agrume, Abîme, Basse, District, Charnel, Leto de PSO Tug, XV Barbare, Chebé, Pispa, Jack Mess, S, Black D. Tout le monde, faites du bruit s'il vous plaît la famille. Cette année, le Triangle d'Or va faire du mal. Merci, merci à tout le monde, la famille. C'était Ice MC à l'instant, en live depuis 20h sur Skyrock. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, je me sens un petit peu mieux, là, déjà. T'es mieux, là. Ah ouais, là. L'album est sorti, ça se passe bien. Ça se passe bien. Le live était bon. Mortel. Maintenant, direction Lyon. Direction Lyon, tout de suite. Hein, Red Room, faut me blinder ça, là. Les bicos, sortez champagne, ramenez vos locas. On va mettre millionnaire, puisqu'on a pas encore mis, on finit avec millionnaire. On va finir avec millionnaire. Histoire d'ambiancer tout ça, de bien partir pour le week-end. Voilà. Lord des Rois et millionnaire sur Skyrock avant de faire tourner la roulette. Et d'abord, vas-y. Je voulais dédicacer un remerciement à tous les gens qui ont participé à l'album, que ce soit les beatmakers, que ce soit les radios, interviewers, tout le monde. Attends, parce que comme il y a du monde, on va le balancer après. Vas-y, on t'écoute, Ice. Voilà, grosse dédicace à tous les gens qui ont participé à l'album, tous les beatmakers. Tous ceux qui m'ont aidé à réaliser le projet, merci à toutes les radios, tous les médias aussi, merci Skyrock, merci beaucoup à Skyrock, que ce soit à tout le monde, Bousca, Perapelli, Génération, tous les gens qui ont suivi, merci beaucoup la famille, merci à tous les locaux, toutes les locas, c'est important de préciser, voilà, parce qu'on fait pas les choses tout seul, comme je l'ai dit, voilà, c'est grâce aux gens qui nous soutiennent qu'on arrive à aller très haut, tu vois, c'est eux qui nous portent, donc merci à tout le monde, et voilà. Et bah, millionnaire, allez, pour conclure, et dans un instant, la roulette qui tourne, Ice MC avec nous pendant quelques minutes encore. Elle recycle une millionnette. Elle a plus d'une marionnette. Elle est plutôt visionnaire. Elle recherche un millionnaire. Oh, bitch, I don't care. Lâche mon dompteur, c'est pas la taille à ton père. Bitch, bitch I don't care, bitch I don't care. Lâchement d'en perce par la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, une dot à un million net. Elle a fait des kilomètres pour faire de lui sa marionnette. Elle aime les bico malhonnêtes, les suppléments mayonnaise. Le veuf qui colle la monnaie, elle fait monter le baromètre. Elle est souvent ivre d'après ce que j'entends. Cette pétaille s'arrive toujours dans le carré VIP en chantant. Oh oh là moi c'est Ice, le boss enchanté. Tu dis ne pas me connaître mais tu fais semblant. Argent, gloire et beauté, elle veut me ligoter. Elle ne mérite pas mieux qu'un hôtel Mitter Hugo. Elle peut pas chipoter, elle sait que je suis coté. Tu rêves de te faire un blaze à travers mon épauté. Poupée, bitch I don't care, bitch I don't care. Lâchement d'homme perce par la taille à ton père. Bitch I don't care, bitch I don't care. Lâchement d'homme perce par la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. L'or des rois dans les bagues. Elle boit comme un homme, elle fait l'amour comme une femme. Une fois qu'elle a vidé ton magnum, elle prend la vie comme une fable. Champagne en fontaine pour madame. Reconnue dans tous les clubs et les grands hôtels de Marseille à Paname. Tu cèdes à ses petits caprices, ses talents de petite actrice. Elle te laisse une cicatrice ou te ramène en psychiatrie. Elle recherche un millionnaire, toi t'es juste une marionnette. Qu'elle emmène chez Marionneau, qu'elle mène à la baïonnette. Tu sais plus sur quel pied danser depuis que t'es devenu son bolos. Elle attend que tu te fasses péter pour péter les clés du gamos. Coupé, le genre femme à redouter. Tu rêves de faire un blaze à travers mon épopée. Oh bitch I don't care, bitch I don't care. Lâchement d'homme perce par la taille à ton père. Bitch I don't care, bitch I don't care. Lâchement d'homme perce par la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire. Oh bitch I don't care, bitch I don't care. Lâchement d'homme perce par la taille à ton père. Bitch I don't care, bitch I don't care. Lâchement d'homme perce par la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire. Millionnaire à l'instant, c'est extrait de l'album L'Ordre des Rois qui est sorti aujourd'hui, cet album. Yeah, qui vient de sortir ce matin, merci beaucoup à tout le monde. Tout comme Ice MC qui vient de sortir ce matin aussi. Voilà, je suis sorti en même temps que mon album. Et on rappelle deux, trois choses quand même, évidemment. Donc l'album, d'ailleurs, tu veux préciser, puisqu'on parlait des producteurs, est-ce qu'on a oublié de dire quelque chose autour de l'album que t'aurais aimé dire Ouais, c'est que cet album, c'est l'album que j'ai mis le plus longtemps à produire parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé, que ce soit sur les lyrics, sur la manière de varier les sons, etc. Je pense que mes vrais locaux le verront. Et j'ai déjà reçu des messages par rapport à ça. Voilà, c'est un album qui est complet, c'est un puzzle de métaphores et de vécu. Donc merci à tout le monde, merci, voilà. Et la suite s'écrit maintenant, L'Ordre des Rois est dans les bacs depuis aujourd'hui. Merci à pour ça en tout cas cette merci semaine. Fred, merci, merci, merci à une Sky. Belle semaine, merci. Merci ce... malgré mon absence de m'avoir soutenu. Et merci à ceux qui étaient là, XB Barbare pendant XB son Barbare. Absence. Voilà, Mister V, Yvick, merci beaucoup frérot. Volteface. Sans qui je ferais rien du tout. Et merci à XB Barbare qui est venu aujourd'hui, PSO Tug, merci à Agrume, à Abim, à District, à Charnel et grosse dédicace à Bass, mon gars, Bassirou, t'inquiète. Ouais. Allez, on vous envoie Ice MC du côté de Lyon là, dans quelques heures. J'arrive, et demain, bigo. Séance dédicace à Paris, de retour à Paris. Demain, séance dédicace à partir de 14h, Sniper Shop, 27 avenue Clichy, métro Lafourche, place Clichy. Voilà, vous verrez, il y aura déjà des locaux devant. Voilà. Donc, c'est à l'angle de la rue des Dames, vous pouvez pas vous planter. Voilà, vous pouvez pas vous planter. Allez, il connaît le secteur, Fred. Il connaît bien le tri, on le dort. On fait tourner la roulette, c'est parti, on trouve du fou après. Gagne les premières places de concert pour voir Maître Gims près de chez toi. Wafa de Saint-Denis, ça va bien, Wafa? Oui, bonjour, ça va? En pleine forme, je te présente à Ice MC. Ça va et toi? Hein, ouais, ça va, aïe, aïe, aïe. Tu m'as fait stresser aujourd'hui, là. Non, t'inquiète, ça va, ça Qu'est-ce va. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'enferme pas un électron libre. Voilà, c'est ça, ouais. Mais voilà, j'étais stressée, j'ai eu peur. Bon, il est là, il est sorti, plus, tout va bien. Fragile. Tout comme l'album qui est sorti. Est-ce que tu as récupéré l'album, Wafa? Mais bien sûr, ce matin, je suis allée direct, j'ai le coffret là. Merci, Wafa. Ah, t'as le coffret aussi? T'as le coffret avec le polo? Oui, mais c'est pour homme, ça, c'est pas pour femme. Ah, il est un peu grand, Wafa. Oui, il est trop grand, mais bon, il est beau. Hein. Ah, merci, bon, tu dormiras avec. Et bah, tu sais quoi, regarde, Wafa, t'es à Saint-Denis. Demain, oui. Si tu es libre, tu passes à la boutique, il va te l'échanger. Tu passes à Sniper Shop. Il va te l'échanger. C'est vraiment Saint-Denis. Hein. Promis, je passe, promis. Ouais, je te le change et je te fais une dédicace, et t'inquiète. D'accord. Donc, du coup, t'es à Lyon et le lendemain, t'es à Paris. Ouais, tu voilà, c'est demain, comme ça. Paris. Skyrock, Lyon, Paris. Au magasin Sniper Elite. Je vais venir, ok, bah, je retiens. Je vais venir et tu vas me changer. Wafa, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. D'accord. Et la roulette qui va s'arrêter, Wafa. Eh ben, Maître Gims en plus en concert à Paris. Merci. Tu vas kiffer. Ah ouais, tu vas kiffer. Déjà, j'ai trop aimé votre son, alors c'est sûr que je vais kiffer là. Au cœur de l'utesse, ouais, qui est sur l'album de L'Ordre des Rois. On te fait un bisou, enfin, passe un bon merci week-end. Merci beaucoup, en tout cas. Je peux passer une dédicace? Vas-y, on t'écoute. Merci, bah, à mon cousin Wally, que j'aime trop, qui en plus il est fan de toi, HMC. Un gros big up à lui. À ma cousine Awa, à ma cousine Salo, à toi, à Fred, à toi, HMC, à Skyrock. Merci. Et puis demain, je serai là, promis, et tu m'échanges le polo. Hein, pas de soucis. Ah bah, bien avec le polo, ouais. Promis, j'arrive, ça marche. Ok, merci beaucoup, en tout cas. Bisous, ciao, passe une bonne soirée. Merci, Ice, en tout cas, pour cette semaine. Bah, merci beaucoup. Allez, file à Lyon, merci à vous tous aussi qui étaient là ce soir dans le studio entre 20 et 21. Et on va retrouver D-Fool aussi qui doit être là. Oui, on est là. Ah bah voilà. Hey, je crois qu'il y a quelqu'un pour toi, Ice. Ah. Ah oui. Écoute. Ah. Ah merde, d'accord. Il t'accompagne à la gare de Lyon. Direction le train, là maintenant, tu auras une escorte donc pour arriver à l'heure et à temps à Lyon. Donc à 2h du matin, tu te retrouves chez les Lyonnais. Mortel. Bon, tout va bien? Tout va bien, frérot. Tout bon, va parfait. Bien. Bon, t'as loupé le rendez-vous avec nous hier soir. Putain, hein, bah ouais. Bah ouais. On se fera ça bientôt. Bah on met ça, ouais. Avec plaisir. Quand par contre, vous avez laissé un truc dans les chiottes là. Qu'est-ce que c'est? Ah, les cheveux. Les cheveux, et là. Il y a une odeur de poisson. Ah, les gars, il y a quelqu'un qui a mangé au chicken spot. Il y avait une morue. C'était une grosse morue. C'est la morue du blackout du hier soir. Elle a tué les chiottes là, la morue toute la journée, c'était horrible. Eh ben c'était moi, Fred. Non, je n'étais pas là toute la journée. Eh oui, c'était le blackout d'hier soir. Voilà. Bon, il y a les images sur le défaut. Vous l'avez récupéré ou les foutu? Ah ben Marie l'a mangé. Ouais. Oui. Bah évidemment, je l'ai bouffé, tu me connais. Pourquoi ça reste comme ça, je une odeur de la morue. Je sais pas, c'était assez prégnant. Mais elle était pourrie, je crois. Ah ouais, attends, mais. Elle avait tourné un peu. Déjà, ils l'ont acheté, elle était pourrie. On avait une morue malade, oui. Ah oui, ça a laissé de l'odeur, très bien. Ah non, mais violent. Je sais bien, je suis pas le seul à en avoir profité hier soir. Partout, je me suis dit, qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Ça m'a fait faire un petit vomi hier soir, ça, Fredo, en direct. J'étais un petit peu. Ah oui, c'est vrai, t'as vomi aussi. Ouais, un petit peu, ouais. Ah oui, c'était écœurant. Bon, ben, Ice, on te souhaite un bon voyage à Lyon. Bonne séance de dédicace demain. La sortie de l'album, c'était aujourd'hui. Merci, big up à vous tous. À pas louper, puis on te retrouve très bientôt sur Skyrock. À bientôt. Merci, à bientôt. Fred, le rendez-vous, c'est à minuit avec toi pour la nocturne. La nocturne avec beaucoup de sons de Ice MC soir dans la nocturne. Et puis, à ne pas louper aussi, c'est lundi, Fredo, le retour. Ah oui, bah oui, de retour, même dès 9h du mat. Dès 9h du matin. Après vous. Après nous. Et lundi soir. Ah, il veut pas nous dire ce qu'il y a dans Planète Trap. Bah si, non, c'est Gims qui est de retour. Eh oui. Ah, d'ailleurs, tiens, il faut que je reprenne le portable pour Gims. Ah, ici, il est où? Il l'a pris, Fabien. Ah, ok. Il l'a volé. Donc dès lundi, le retour avec Maître Gims, le match retour. Gims qui a cartonné un album, 85 000 albums vendus en l'espace d'une semaine. 85 700, c'est ça? Voilà, on fera le compte. On met nos comptes pour lui. Ouais. Non mais j'ai vu, c'est marqué sur le Facebook. Donc retour lundi, et dans un instant, on va parler foot. Le foot avec Portugal, France. Attention, un point sur le match allez, de foot. Les bleus. Pour l'instant, il y a 0-0. Ouais. 0-0. Ouais. Et ben ils attendent le début de l'émission pour le premier but. On regarde ça, on s'en occupe d'ici quelques instants. Restez là, restez dans le coin, Radio Libre, c'est parti. Et le premier son de la soirée, ce sera Silento. Qu'on va écouter, c'est super ça, Silento. Parfait. Watch me. Ouais, c'est Watch me, le son de Silento sur Skyrock. Et Radio Libre 01 53 40 30 20. Allez-y, appelez-nous, hein, on est en direct, vous profitez jusqu'à minuit. A tout de suite, tout le monde. Ciao, salut Fred, salut Ice. Son nom. Ice MC sur Skyrock.